Parti en couille dès le départ, les neurones bouffés par Heineken et Chivas. Quelques années déjà que j'ai mis une croix sur cette villa. Depuis j'ai dû tirer un trait sur la villa. La trentaine et une famille à charge, le raisonnement change de façon radicale. Changement de direction inévitable. Salaire de SMIC, car pas mal d'heures pour arrondir les fins de mois. J'ai troqué moi les vis et mes Nike contre un bleu de travail. A chacun son histoire, même si certains d'Alta rêvent depuis gosse d'être un boss ou un scarla. Je me remémore les soirées scandales, parfumées être là, appuyé contre le mur pendant des heures comme un échafaudage, attendant les fumeurs et le passage quotidien de la ficaille. Conditionné pour courir après la défense et la maille. Accro aux gens hard depuis l'adolescence comme une chose normale. Voilà, justice comme une blague. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avaient le nez dans la poudre. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avaient le nez dans la poudre. Quand je cause avec mes anciens assos, on parle toujours des mêmes choses. De gars, de bises, de zones et de poucaves. Du manque de thunes, de Merco, Audi et PMK. De bitures sur le bitume, de nos scandales, de ceux qui ne sont plus hal. De ceux qui se sont tournés vers l'islam. Des autres, ceux qui ont pété le câble à cause de la cam. Demande aux habitués de la gare d'Ave si les condés sortent encore mon blast comme un joker de leur manche quand ils ont que dalle. Les années passent, mais cette vie reste un combat. J'ai pas toutes les combines pour m'en sortir mieux que les autres, loin de là. J'ai juste changé de combi et d'adresse, ce qui n'efface pas totalement mon ardoise. Je sais que c'est hard man, mais faut faire avec, fils, y'a pas le choix. Faire avec, fils, y'a pas le choix. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avait le nez dans la poudre. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avait le nez dans la poudre. Mon flow brûle le nez, mes bits de speed claquent contre un accro. Asrap qui perd sa pureté, mais attention y'a la réputation. Mon flow brûle le nez, mes bits de speed claquent contre un accro. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avaient le nez dans la poudre. Les anciennes de ma ville connaissent mes refrains par cœur, tout comme mon parcours. Pendant que les autres le découvrent, je balançais mon rapport corps sur Big Club pendant que d'autres avaient le nez dans la poudre. Mon flow brûle le nez, mais plus de speed, la contre un accro.